戏， 这个 戏。 Je fais partie des humains qui sont nuisibles pour la planète. Nos pratiques, nos repères, j'ai changé mon nom sur la sonnette. Je regarde par la fenêtre, je vois le jour sur quelques mètres. Tu n'as rien à craindre de nous, du moment que tu nous respectes. Devenir des hommes de bien, ça on peut pas le promettre. Jour après jour, la boîte aux lettres croule sous les dettes. T'as même pas encore ouvert un œil, même pas pris le petit déj. Même pas roulé un pet, qui veut déjà te la mettre. J'allume ma télé, j'vois le salaire de Neymar défiler. J'vois des bombes tomber sur des enfants en Syrie. J'vois des manifs, des CRS qui enculent des civils. Je ne crois plus en la justice. J'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. À la maison c'était à la dure. J'ai attendu le Père Noël toute la nuit. Mais dans mon quartier il est jamais venu. J'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. À la maison c'était à la dure. J'ai attendu le Père Noël toute la nuit. Mais dans mon quartier il est jamais venu. Ton nom de famille personne sait comment il se prononce. Réponse négative après un nom entretien d'embauche. Petit billet à gauche, l'espoir t'y renonce. En bois du haut, y'a des carlaches dans les mains des gosses. Hey. On est furieux, on est contaminé par la haine. La remous à Ken sont préliminaires à la paix de nous des criminels. Des coups de matraille dans l'abdomen, la justice a du plomb dans l'air. J'allume ma télé, faut l'affaire Théo, l'affaire Obama, l'affaire Ménet. Qui peut rester là sans rien faire? Les HLM me cachent le soleil. Je vois des gens qui fouillent mes poubelles. La survie devient exceptionnelle. Il est jamais venu me faire Noël. Non, non. J'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. À la maison, c'était à la